Buffalo Bill, fascicule numéro 3, à la rescousse ou les francs-tireurs à cheval. Chapitre 1er, les voleurs de l'Arkansas. Par une journée de printemps où le soleil avait de la peine à faire pénétrer ses rayons à travers les nuages, vers midi, un homme se reposait dans le voisinage immédiat d'un épais massif de cotonniers. On voyait au premier coup d'œil qu'il était accoutumé à chevaucher par tous les temps à travers les immenses plaines herbues de l'Arkansas. Son costume était, dans son ensemble et ses détails, celui des chasseurs du Kansas. Une barbe et des moustaches brunes encadraient son visage hardi, aux traits nettement découpés, dont le soleil du Far West avait foncé le teint. Ses yeux étaient fermés pour l'instant. Sans doute il s'était abandonné au sommeil pour se refaire après une course épuisante. Mais ces hommes de l'Arkansas savent dormir et veiller tout à la fois. De temps en temps, ses longs cils sombres s'écartaient et ses yeux s'entr'ouvraient pour se refermer aussitôt. Il était visible qu'il ne se sentait pas très en sûreté, car il avait la précaution de garder au bras son fusil, une bonne arme se chargeant par la culasse. Il ne lui fallait qu'un instant pour être, en cas de besoin, prêt à tirer. Cependant, autour de lui régnait une heureuse et tranquille paix. Seul le cri d'un oiseau ou l'appel plaintif de l'antilope interrompait par intervalles le silence solennel de la prairie. À quelques pas du dormeur paissait un cheval, bête fine et bien faite, qui se régalait des tendres tiges d'herbe dont le printemps verdissait la plaine. Tout à coup, le noble animal releva la tête comme pour regarder au loin, pointa ses oreilles avec inquiétude, gratta le sol du pied et poussa un faible et discret hennissement. Au même instant, le chasseur du Kansas se soulevait à demi. Il ne lui fallut pas une seconde pour secouer complètement l'emprise du sommeil. Hey, « Hé, Buxin, vieux camarade, qu'est-ce qu'il y a ? » dit-il en se mettant debout, comme si l'animal pouvait réellement lui répondre. En même temps, l'homme inclinait la tête de côté et écoutait. Puis il se coucha à plat ventre sur la terre et appliqua l'oreille droite au sol herbeux. « Par Jupin, » dit-il en se relevant. « Je ne veux pas m'appeler Buffalo Bill si je n'ai pas perçu le bruit d'un galop de chevaux. Les cavaliers peuvent être à 3000 d'ici, mais ils approchent, il n'y a pas à en douter. Eh bien, je crois qu'il est à propos de se tenir sur ses gardes. Je ne peux pas savoir si ce n'est pas une bande de diaboliques peaux rouges, ou ce qui serait encore pire, de chenapans blancs qui se disposent à barrer ma route. Allons, Buxin, ici, derrière le massif de cotonniers. Nous les laisserons passer inaperçus. » Car pourquoi sans nécessité chercher un conflit ? L'intelligent animal comprit tout de suite les paroles de son maître et se hâta d'entrer avec lui sous les hautes tiges des cotonniers, très suffisantes pour cacher l'homme et la bête. Mais à peine le chasseur s'était-il installé à terre près de son cheval qu'il sursauta de surprise car cette fois il avait entendu des sons qui ébranlaient fortement son présent amour de la paix. Un cri avait frappé son oreille, un cri de femme, suivi dans la même minute de plusieurs coups de feu. « Oh là, Buxin, mon bon camarade !» s'écria le chasseur d'une voix émue. « Je crois que voilà encore une nouvelle aventure, comme nous en avons eu tant dans la prairie. Tonnerre, c'est une jeune femme à cheval qui nous arrive. Elle tient entre ses mains un fusil fumant encore. C'est elle qui vient tirer des coups de feu, et derrière elle... Ah, je ne connais pas un arbre !» Ni un arbuste, ni un brin d'herbe de la prairie, pas un visage d'homme, rouge ou blanc, dans l'Arkansas, si ce n'est Jack Carter qui la suit avec sa bande de larrons. La chasse sauvage, que l'homme avait vu venir de loin derrière le buisson de cotonnier, rapprochait sa rumeur. Poursuivi et poursuivant, se dirigeait en plein sur lui. Sur un cheval bai, petit, mais d'une vitesse peu commune, dont la crinière se hérissait d'épouvante, était assise une jeune fille élancée et remarquablement belle. Le vent qui passait sur la prairie jouait avec les boucles blondes d'une très longue chevelure qui lui tombait en désordre sur les épaules. Pour cette belle créature, la fuite était évidemment une question de vie ou de mort, poursuivie qu'elle était par une horde d'hommes à l'aspect farouche et armés jusqu'aux dents. Ils avaient l'air de vrais desperados qui n'ont plus rien à perdre que leur vie. En fait, l'Arkansas était alors le rendez-vous d'une quantité de gens sans aveu qui, pour les colons honnêtes du pays, constituait un bien plus grand danger que les Indiens avec qui les fermiers étaient en lutte perpétuelle. La manière dont les hommes rouges pratiquaient la guerre, toute abondante qu'elle fût en ruse et en traîtrise, pouvait être qualifiée de loyale, en comparaison de la lâche et ignoble perfidie que déployaient les voleurs blancs pour arriver à leur fin. Il n'y avait que les hommes courageux et résolus, habiles à manier le fusil, qui osassent à cette époque se risquer dans la prairie et quitter la protection des établissements d'exploitation rurale, ordinairement bien fortifiés. Mais dans la poitrine de cette jeune fille, à qui les voleurs en avaient pour l'instant, il était clair qu'un cœur vaillant battait. Tout en faisant appel à la vitesse de son cheval, elle avait plusieurs fois déchargé son fusil sur la meute à ses trousses et l'avait ainsi maintenu à une certaine distance. Cette distance toutefois diminuait de minute en minute, de sorte que l'infortuné devait sûrement tomber bientôt entre les mains des bandits. Un homme à longue barbe noire paraissait surtout animé contre elle. Son cheval, qu'il excitait à coups de crosse de fusil, courait frénétiquement ventre à terre. Lorsqu'il se crut assez près de la jeune fille pour qu'elle pût l'entendre, d'une voix rauque, comme en ont ceux qui aiment trop l'eau-de-vie, il cria « Arrêtez, jeune fille, ou par l'enfer et le diable, ça ne sera pas ma faute si mes gens tuent votre cheval sous vous, et peut-être vous blessent, vous aussi, pourvu qu'ils ne vous massacrent pas, car je veux et je dois vous avoir vivante. » La jeune fille ne retourna pas la tête. Elle savait que ce geste lui ferait perdre des secondes précieuses et que la possibilité de sauver sa vie tiendrait peut-être à une seconde. Sa main effleura d'une caresse le cou de son cheval, et se penchant tout contre sa tête, elle murmura « Cours, darling, il va de ta vie et de la mienne, et pour moi sans doute de plus que de la vie. » À peine le cheval eut-il entendu la voix de sa maîtresse, qu'il réunit tous ses moyens dans un effort désespéré. Il sembla avoir oublié sa fatigue. Son corps effilé se tendit, ses jambes dévorèrent puissamment l'espace et pendant une demi-minute, les bandits purent croire que leur victime leur échappait lorsque un cri de terreur résonna sur la prairie jusqu'à la rive prochaine de l'Arkansas, tandis qu'un rauque hurlement de triomphe sortait des gosiers enroués des bandits. Le bon cheval avait buté contre une racine d'herbe serpentant à fleur de terre. Il était tombé, portant encore sur son corps frémissant sa belle maîtresse, qui dut à sa science équestre de ne pas être désarçonnée et lancée paraboliquement sur le sol. « Ne vous l'avais-je pas dit, belle Alice ? » cria l'homme à la barbe noire avec un rire diabolique. « Que cette fois vous ne m'échapperiez pas ? Ah ah ! Avec nous l'enfer est ligué, et contre vous le ciel est conjuré. Maintenant vous ne tomberez pas dans les mains d'un coquin de ton espèce, Jack Carters !» interrompit une voix nette, retentissante comme un coup de tonnerre. Tant que Buffalo Bill pourra manier un fusil, tant que ses yeux sauront distinguer la physionomie d'un honnête homme du faciès d'un bandit, il ne laissera pas une jeune fille sans défense aux griffes de gibier de potence comme vous tous. » Le chasseur du Kansas, monté sur son cheval, venait de surgir brusquement du buisson de cotonnier. Il joignit l'acte à la parole, car épaulant son fusil à tir rapide, avec une précision incomparable, presque sans viser, il envoya 3 balles dans la cohue des bandits arrivant en ouragan. Pas une des 3 balles ne fut perdue. La première perça un voleur à la gorge et le renversa mourant. La seconde fracassa la main d'un autre au moment même où il voulait coucher en joue le protecteur de leur victime. Et la troisième tua net le cheval que montait l'homme à la barbe noire, Jack Carters, le chef de la bande. Jack Carters culbuta avec son cheval. Mais l'instant d'après, il s'était élancé sur la monture de son compagnon mort. L'apparition d'un seul homme s'opposant courageusement à des coquins avait suffi, chose rare, à leur donner une véritable panique. La plupart des voleurs tournèrent bride et se précipitèrent en une fuite folle à travers la prairie. D'autres, blêmes, la tête perdue, cherchaient machinalement un abri, craignant que la mort qui jaillissait du fusil du chasseur ne les frappât à leur tour. Jack Carters fut de ceux qui firent faire demi-tour à leur cheval, mais se dressant sur ses étriers et tout son corps tremblant de rage, il jeta derrière lui ces mots dans un hurlement. « Quel Satan vous a conduit sur notre chemin, Buffalo Bill ? Cette immixtion dans mes affaires, vous la paierez de la dernière goutte de sang de votre corps, ou je ne veux plus être appelé le colonel Jack Carters, le loup de la prairie. Vous êtes un ridicule bravage de faux colonel Jack. » lui cria en retour Buffalo Bill. Car c'était bien, en effet, l'éclaireur célèbre dans tout l'Ouest américain, le héros de tant de combats avec les Peaux Rouges. Quel capon ne faut-il pas être pour tendre des embuscades aux femmes et ne pas oser se mesurer avec un homme ? Allons, Jack Carters, revenez un peu. J'ai encore une jolie balle pour vous dans mon canon de fusil, et cela me ferait un plaisir tout particulier de vous en fracasser le crâne. » Jack Quarters n'attendit point l'exécution de cette menace. Il enfonça ses éperons dans les flancs de son cheval au point d'en faire ruisseler le sang, et l'animal, fou de douleur, partit en un galop effréné. Soit que Buffalo Bill ne fût pas disposé à entreprendre une poursuite, soit qu'il pensât qu'il était prudent de ne pas risquer, étant seul, de se laisser prendre dans quelque embûche par la bande de Quarters, il renonça pour cette fois à régler ses comptes avec le bandit à la barbe noire, et il préféra porter son attention sur la gracieuse jeune fille que sa présence d'esprit et la sûreté de sa main avaient délivrée en la préservant sans doute d'un effroyable sort. « Et quoi, Alice, est-ce bien vous ?» s'écria Buffalo Bill pendant que la jeune fille, qui avait relevé son cheval et s'était remise en selle, lui tendait d'un geste reconnaissant et cordial sa main glonfine. « Je vous avais prévenu de la canaillerie de Jack Quarters. Ah, je comprends que l'homme à la barbe noire fût si pressé, puisqu'il courait après vous. Alice Enfield lui tient au cœur. Puisse l'enfer l'engloutir. Je pense, Alice, que lui ne vous tient pas. Ce n'est pas pour lui que cette gracieuse fleur est éclose. » Une légère rougeur envahit les joues de la jeune fille, pendant que Buffalo Bill lui rendait chaleureusement son serment de main. Je vous remercie de tout mon cœur, dit Alice d'une voix musicale et sonore, en inclinant sur son sang ému sa tête entourée de boucles de merveilleux blonds. Je crois bien que vous n'êtes pas arrivé une minute trop tôt, Bill Cody, car mon cheval était tombé et les bandits ne m'auraient pas laissé le temps de recharger mon fusil. Mais si cet accident n'était pas arrivé... » Alice, en disant cela, retroussa ses lèvres roses et montra les perles admirables de sa bouche. « Je ne m'effrayais pas de Jack Quarters et de tous ses chenapans. Main et main d'entre eux auraient mordu la poussière avant de me tenir en leur pouvoir. Ça n'empêche pas que vous m'avez sauvé, et je vous remercie encore une fois, Bill Cody. » « Vous n'avez aucune raison de me remercier, » répondit le fameux chasseur du Kansas, appuyé sur le canon de son fusil et regardant Alice en souriant. « Ce que j'ai fait, tout autre l'aurait fait à ma place et sans délibérer un moment. Qui connaît Jack Quarters ne laisse pas une jeune fille sans défense tomber dans ses mains, et à plus forte raison moi, qui ai toujours eu de l'affection pour vous. Mais expliquez-moi ce que vous venez faire dans cette solitude. Pour quel motif avez-vous quitté la paisible agence indienne de votre père ?» Je suppose que dans les grands magasins où Mr. Enfield a de quoi fournir à tous les besoins des blancs et des rouges, vous vous trouvez beaucoup plus en sûreté que dans la prairie. « Je voulais aller voir mon oncle, » répondit-elle lentement. « J'ai appris qu'il était malade, au lit. J'ai pensé qu'il était de mon devoir de courir à son chevet et de le soigner. Il demeure là-bas, de l'autre côté du fleuve Arkansas, et sa ferme est encore à 20 bons milles d'ici. « Vous êtes une petite étourdie, » dit en riant Buffalo Bill, qui, pendant toute cette conversation, n'avait cessé de surveiller attentivement le voisinage dans la crainte que quelques-uns des gens de Jack Quarters ne fussent revenus furtivement se mettre en embuscade pour leur envoyer, à lui et à la jeune fille, des coups de fusil. « Vous vous êtes envolé du jardin de votre père sans même réfléchir que bien des dangers guettent un si ravissant petit papillon. Mais à aucun prix je ne vous laisserai repartir seul. La ferme de votre oncle est trop loin, et je pense que le mieux est que vous fassiez une gentille visite à mes sœurs, à ma ferme sur le Ruby Creek. Mes sœurs chéries seront heureuses de vous voir. Lorsque vous serez resté avec nous une couple de jours et que vous serez remise de l'heure émouvante que vous venez de passer, je vous accompagnerai jusque chez votre père. Il sait sans doute que vous avez entrepris ce voyage pour aller chez votre oncle. » « Il ne le sait pas, » répondit Alice. « Il ne m'aurait pas donné la permission. Vous savez comme il est pointilleux. Il n'y a pas beaucoup de gens avec qui il soit en bon terme, et avec mon oncle il s'est brouillé depuis longtemps. » « Je sais, Mr. Enfield est un original. » Mais cela n'empêche pas qu'il est pour la plus belle et la plus courageuse enfant de tout le Kansas, et que je me considère heureux d'être arrivé juste à point pour la délivrer des mains de ce brigand de Jack Quarters. » Débordant de reconnaissance, Alice lui tendit encore une fois les deux mains. « Laissez-moi de nouveau vous remercier du fond de mon cœur. Non, il n'y a pas, Dieu m'en est témoin, d'homme plus vaillant que Buffalo Bill, l'éclaireur de l'Arkansas, dans toute l'étendue des États-Unis. Et les diables rouges à qui nous avons affaire ici causeraient bien plus de mal et de dommages s'ils n'avaient pas peur de Buffalo Bill. » Bill eut un rire de légitime orgueil en entendant ces éloges qui prenaient un son particulièrement doux sur ses belles lèvres. Cependant, il s'occupait à ajuster le harnais de son cheval, tandis qu'Alice examinait attentivement le sien. « A-t-il du mal ?» demanda Buffalo Bill. « Je ne vois rien, » répondit-elle en caressant le cou de la bête. « Mon pauvre darling, il était si fatigué, si à bout de souffle, et cette méchante racine qui s'est trouvée là pour le faire tomber. » « Eh bien, darling, se refera lui aussi à ma ferme sur le Ruby Creek, et il se régalera de bon fourrage à côté de mon Buxin. Donc, en avant, en selle, Miss Alice. En 3 heures, nous pouvons être à l'établissement sur le Ruby Creek. » Il enleva la gracieuse jeune fille par la taille, la mit sur le dos de sa monture, lui-même sauta sur Buxin, et sans tarder davantage, ils se lancèrent à côté l'un de l'autre dans la direction de la ferme, bavardant gaiement, comme s'ils avaient déjà oublié la terrible aventure avec Jack Carters et sa sombre bande. Tout à coup, Alice releva les rênes et sur-le-champ son cheval s'arrêta. « Pourquoi n'allez-vous plus, Miss Alice ?» demanda Buffalo Bill. « Est-ce que le cheval veut du repos ? Nous sommes encore à 10 milles de ma ferme. »« Ce n'est pas de repos que j'ai besoin, » répondit Miss Alice, dont les traits charmants avaient pris subitement une expression de gravité insolite. « Mais je vous ai dit tout à l'heure quelque chose qui n'était pas la vérité, Buffalo Bill, et je ne veux pas vous tromper. » Le célèbre chasseur de l'Arkansas regarda son interlocutrice d'un œil étonné. « J'ai quitté la maison de mon père, » continua-t-elle d'une voix hésitante, « non pas pour aller soigner mon oncle malade, mais parce que je voulais me mettre sous sa protection, car je ne peux plus demeurer sous le toit de mon père. »« Tonnerre ! » s'écria Buffalo, désagréablement surpris. « Ainsi, vous abandonnez votre père, Mr. Enfield ? Vous fuyez la maison paternelle pour appeler les choses par leur nom ?»« Vous avez raison, » reprit Alice, « mais écoutez le motif qui m'a décidé à cette démarche, et vous saurez peut-être comment l'apprécier. » Un profond soupir souleva son sein. Pendant une minute silencieuse, elle contempla de ses yeux humides et brillants la prairie qui, dans la splendeur du soleil couchant, s'étendait devant eux comme une mer d'émeraude. Puis elle reprit « Vous avez vous-même tout à l'heure appelé mon père un original. Il l'est, en effet. C'est après la mort de ma mère qu'il l'est devenu. Je crois qu'il a, depuis lors, désappris à aimer toute créature humaine. Moi-même, il me traite froidement. Il est avare de paroles avec tout le monde, mais quand il est seul, il se parle sans cesse à lui-même. J'ai toujours supporté la rudesse et l'étrangeté des manières de mon père. J'ai toujours été pour lui une fille bonne et obéissante, mais dans les derniers temps... Mr. Cody... Je vous en conjure, ne confie à personne au monde un seul mot de mon secret, car je ne veux pas que mon père soit méprisé. Buffalo Bill, repartit le chasseur du Kansas, a vécu assez longtemps parmi les Indiens pour savoir qu'une des principales vertus de l'homme est le silence. Ce qu'on lui confie reste enseveli dans son sein. Sachez-le donc, Mr. Cody, murmura Alice, qui avait peine à retenir ses larmes, ce Jack Carters ne m'a pas poursuivi sans motif. Ah, je crains que mon père lui-même ne lui en ait donné la permission. Par les eaux de Washington ? S'écria Buffalo Bill. Ce serait ou la plus grande canaillerie que Mr. Enfield pourrait commettre, ou une stupidité sans pareille. Qui ne sait en Arkansas que Jack Carters est le plus fief et coquin qu'il y ait dans tous les États de l'Ouest ? Qui ne sait que Carters s'entend avec les Indiens Cheyenne ? Lui et ce drôle de Bill Anderson, dont il s'intitule le lieutenant, ont réuni autour d'eux tous les desperados de la région et rendent le pays mal sûr. Et s'ils ne peuvent à eux seuls exécuter un mauvais coup, ils s'associent les Cheyennes. Ils ne rougissent pas de conduire l'homme rouge contre le blanc. Et c'est avec de tels gens que votre père pactiserait. Non, non, Alice, je ne pourrais jamais le croire. Et pourtant j'ai vu, reprit Alice. Un accent de douleur dans la voix. J'ai vu Jack Carters pénétrer secrètement dans la maison la nuit, lorsque mon père me croyait endormi depuis longtemps. Mon père et lui s'enfermèrent dans le magasin et conversèrent longuement ensemble. Je crois avoir entendu mon nom et je crains fort d'avoir été le sujet de leur conversation. C'est pour cela, Buffalo Bill, que j'ai résolu de quitter la maison de mon père et de m'enfuir auprès de mon oncle. Ah, je ne l'ai pas fait sans avoir le cœur gros, mais... Les paroles qu'Alice Enfield avait encore à dire furent subitement interrompues par des coups de feu qui éclatèrent à une certaine distance dans un bouquet de pins. En même temps, on entendit un cri sauvage, le bruit d'un combat et tout le vacarme, trop bien connu de Buffalo Bill, que fait l'homme rouge lorsqu'il se trouve sur le sentier de la guerre. « Oh ! » s'écria le chasseur de l'Arkansas en étreignant son fusil. « Je crois que les gueux de Porou sont encore tombés sur des blancs. Êtes-vous prête, Alice, à combattre avec moi, épaule contre épaule? Saurez-vous manier votre fusil dans un combat sérieux? » Je ne serai donc pas une fille de la prairie, répondit Alice, dont l'ardeur guerrière faisait monter le sang à ses joues. Ne vous inquiétez pas de moi, Mr. Cody. Je ne suis qu'une femme, sans doute, mais dans un combat avec les Peaux-Rouges, je saurai faire ma partie. Alors suivez-moi, s'écria Buffalo Bill, et faites bon usage de votre fusil. Visez bien votre homme. Chaque balle doit porter. Porter et tuer, reprit Alice, enthousiasmée, et sur son petit cheval, elle s'élança à côté du grand coursier rouge de Buffalo Bill, légère comme une plume que le vent emporterait. En quelques minutes, ils eurent atteint le lieu de la lutte. Elle se livrait dans une large clairière herbue au milieu du bois de pin. Quatre blancs qui cherchaient à se couvrir derrière les arbres s'efforçaient de tenir à distance une bande d'une vingtaine de Peaux-Rouges. D'un rapide coup d'œil, Buffalo Bill vit tout de suite que les Indiens étaient conduits par un blanc, et dans ce blanc il reconnut un bandit tristement fameux, Bill Anderson, gaillard grand et sec, dont la face était barrée par une moustache rousse martialement hérissée. Une large cicatrice lui sillonnait le front. Buffalo Bill connaissait bien le personnage. Il se rappelait encore nettement l'heure où, se battant contre ce Bill Anderson, il l'avait étendu par terre d'un coup de sabre. Cette cicatrice était son œuvre. Mais il reconnut aussi tout de suite les quatre blancs pressés par l'ennemi. À leur vue, son cœur battit plus fort et plus chaud, et il sentit qu'il devait partager le sort de ces hommes, quelque tournure que prit le combat. C'étaient en effet des gens à lui qu'il rencontrait là, ses amis, qui vivaient avec lui sur sa ferme et qui l'aidaient à la cultiver. Le premier qu'il remarqua était Frank Stark, connu dans toute la contrée sous le nom de Frank le tireur éclair. Près de lui se tenait Wild Bill, qui était lui aussi un solide et audacieux compagnon. À quelques pas de celui-ci, appuyé contre un pin, était le petit caporal Joe Bevins, qui avait pris part à tant de chaudes affaires au service de l'Union et qui maintenant s'était retiré sur le Ruby Creek avec sa femme Kitty Muldan. Enfin le quatrième, le dernier mais non le moindre, était le vétéran Tom Towners, qui faisait également, avec sa femme Lottie, partie de la maisonnée de Buffalo Bill. Buffalo Bill avait tout de suite deviné que ces gens étaient allés à sa rencontre en apprenant que les Cheyennes avaient recommencé à battre le pays. Ils avaient été attaqués en chemin, et maintenant ils se défendaient comme savent se défendre les hommes de l'Ouest quand il s'agit de vaincre ou de mourir. Les Indiens, sous la conduite de Bill Anderson, les avaient assaillis avec fureur. Au galop de leurs petits chevaux, ils étaient arrivés comme une tempête sur les quatre hommes. Ceux-ci avaient déchargé leurs fusils, mais quoique deux des Indiens fussent tombés bas, les autres, sans se mettre en peine de leurs camarades, avaient continué à s'approcher toujours davantage de ceux qu'ils considéraient déjà comme leurs victimes. « N'ayez pas peur, jeunes gens !» tonna soudain la voix de Buffalo Bill. « Je suis près de vous et j'amène un autre bon fusil. Nous pensons que nous avons bien deux mots à dire dans la conversation. » Deux détonations retentirent, deux éclairs jaillirent des fusils de Buffalo Bill et d'Alice, et deux Cheyennes gigantesques, qui étaient en avant des autres, tombèrent inanimés de leurs chevaux. « Vive Buffalo Bill !» s'écrièrent les quatre hommes en voyant leur chef émettre. « Tout cela n'est plus qu'un jeu d'enfant. Nous saurons bien maintenant tenir les coquins rouges à distance. » En cette affaire, le nom seul de Buffalo Bill fit merveille. À peine Bill Anderson sut-il que le célèbre chasseur de l'Arkansas, son ennemi mortel, avait paru sur le champ de bataille, qu'il perdit toute envie de continuer le combat. Mais Buffalo Bill, Alice et les quatre hommes ne lui laissèrent pas le temps de réfléchir. Des coups de feu retentirent et neuf autres Cheyennes durent payer de leur vie leur perfide attaque avant que Bill Anderson eût réussi à prendre la fuite avec le reste de sa horde. « Ne les poursuivrons-nous pas, Bill ?» demanda Frank Stark. « Il est longtemps que vous vous proposez d'en finir avec ce Bill Anderson. Je crois que ce serait une riche occasion. » « Laissez la bande courir, » dit Buffalo Bill en serrant la main de son ami. « J'ai le grand désir de revenir à la maison. Il y a de l'orage dans l'air. » Et il est inutile de nous laisser surprendre, d'autant que nous emmenons Miss Alice avec nous. Elle restera à Ruby Creek aussi longtemps qu'il lui plaira. « Nous allumerons bien une pipe de tabac, du moins, » dit Tom Towners en riant. « Le diable sait que c'est une vieille habitude chez moi. Quand je me suis vaillamment battu, il faut que je fume pour me sentir tout à fait bien. » La proposition de Tom Towners fut acceptée avec plaisir. Les hommes bourrèrent leurs pipes courtes et bientôt s'éleva entre les cimes des pins la fumée gris-bleue du tabac. « Eh, qu'est-ce là ? » s'écria tout à coup Buffalo Bill. « Voilà des cavaliers qui descendent la colline. Ce drôle de Bill Anderson aura-t-il envie encore une fois ? C'est mon père !» fit Alice, très étonnée et sans aucune émotion joyeuse. « Oh Dieu, il s'est aperçu de ma fuite et il vient pour me ramener à la maison. » « C'est ma foi vrai, c'est Mr. Enfield, » murmura Bill. « Il s'est fait escorter de 3 cavaliers de la garnison du fort. Maintenant, Alice, si vous n'avez pas envie de vous en retourner à la maison avec votre père... »« Au nom de Dieu !» supplie Alice. « Ne vous opposez pas à sa volonté. C'est mon devoir d'obéir à mon père. Peut-être, après tout, me suis-je trompé. Peut-être mon père n'a-t-il parlé que d'affaires de son commerce avec Jack Carters. Oh mon Dieu, ce n'est pas chose à croire qu'un père veuille faire le malheur de son propre enfant. » « Vous avez absolument raison, Alice, » dit Buffalo Bill à voix basse. « Un enfant doit se soumettre à la volonté de son père. Il n'en est pas autrement cette fois-ci. Mais avant qu'il nous ait rejoints, j'ai quelque chose à vous dire, Alice. Si votre soupçon devait se fortifier et que vous eussiez besoin d'un ami, faites-le-moi savoir. N'importe comment, et de jour ou de nuit, Bill sera là pour vous soutenir. » Pendant cette conversation, Mr. Enfield était arrivé. Derrière lui, les 3 cavaliers regardaient avec intérêt et émerveillement les Indiens morts qui gisaient sur leur chemin. Mr. Enfield, le préposé aux vivres de l'agence de l'Arkansas, était un homme d'environ 55 ans. Ses cheveux coupés courts étaient tout gris, et une barbe poivre et sel lui tombait jusque sur la poitrine. Il avait des traits nettement accusés et empreints de mélancolie, et au-dessus de la racine du nez s'était creusée une ride profonde. « Ainsi, c'est ici que je vous retrouve, » dit Mr. Enfield d'un ton fort peu amical en s'arrêtant près de sa fille. « Depuis quand est-ce la coutume dans les États qu'un enfant abandonne la maison de son père sans même l'en avertir ? Et qu'est-ce que cela signifie que je vous vois en compagnie de Buffalo Bill ?»« Cela signifie, Mr. Enfield, » répondit Buffalo Bill pour Alice, « que sans mon intervention, votre fille aurait été enlevée et emportée je ne sais où par Jack Carters. » « Je suis arrivé juste pour voir comment ce gredin et sa bande poursuivaient Alice. »« Buffalo Bill m'a sauvé la vie, père, » interrompit Alice, « et vous lui devez des remerciements. » Mes remerciements ne paraissaient pas être l'affaire de Mr. Enfield. Le pli de son front se creusa plus encore, et il murmura entre ses dents quelque chose qu'avec la meilleure volonté du monde, on ne pouvait pas prendre pour un témoignage de gratitude. « Et maintenant, tournez votre cheval, » ordonna-t-il à Alice, « et venez avec moi à la maison. » « Vous ne vous amuserez pas une seconde fois à courir la prairie sans être accompagné. Buffalo Bill ne se trouverait pas toujours là. » « Je voulais faire à votre fille la proposition de venir avec moi visiter mes sœurs dans ma ferme sur le Ruby Creek, » dit Bill. « Et si cela vous était agréable, pendant un jour ou deux, votre enfant dans la compagnie de... »« Il ne peut être question de cela, » répondit Enfield avec le même accent de mécontentement et d'hostilité qu'il avait eu jusque-là. « Je n'ai pas grand temps à me promener dans la prairie. On a besoin de moi à l'agence. » La belle jeune fille tendit une fois encore la main à Buffalo Bill, et pendant qu'Enfield s'approchait des cavaliers pour convenir avec eux du chemin à suivre au retour, elle chuchota rapidement à son sauveur. « Je n'oublierai jamais, Mr. Cody, ce que vous avez fait aujourd'hui pour moi. Ah, c'est avec le cœur gros que je suis mon père. Mais je le vois, il le faut, c'est mon devoir de fille. Toutefois, avant de nous séparer, « je veux vous faire entendre un avertissement. »« Un avertissement ?» fit Buffalo Bill très surpris. « Vous connaissez Hankins, le sang mêlé, » dit Alice. « Je connais Hankins et je n'ai jamais eu pleine confiance en lui, quoiqu'il ait toujours fait profession d'être l'ennemi le plus implacable des Cheyennes et qu'il ait toujours tenu pour nous, hommes blancs. »« Défiez-vous en tout et pour tout de ce Hankins, » reprit Alice, toujours à voix basse. « Lui aussi se livre à des allées venues nocturnes chez mon père. » « Vous n'avez qu'à regarder ses yeux faux, vous verrez ce qu'il s'y cache de fourberie. Prenez vos précautions en arrivant à Ruby Creek. Il recèle une vilaine âme, croyez-moi. »« Prête, Alice ?» cria Enfield d'une voix forte et impérieuse. « Depuis quand a-t-il besoin en Arkansas de dépenser tant de paroles ? Un sermon de main suffit. Et Buffalo Bill, d'ailleurs, n'est pas homme à se laisser accabler de remerciements. »« Adieu, » dit Alice. Il tourna la tête de son cheval et s'éloigna à côté de son père. Ils montèrent la petite colline. Les rayons du soleil couchant mettaient un reflet d'or sur les cheveux blonds de sa nuque. Pendant longtemps, Buffalo Bill la suivit gravement des yeux. « Pauvre enfant, » murmura-t-il en se caressant la barbe. comme lorsqu'on réfléchit. J'espère que tu ne vas pas au-devant d'un danger sérieux. Mais cet Enfield ne me revient pas. Il a l'air de ceux dont le front cache de sombres pensées. Un homme libre et honnête n'a pas ce regard. » Buffalo Bill poussa un profond soupir et s'adressant à ses gens. « Maintenant, en avant !» dit-il d'une voix haute. « Voyez, le soleil est rouge à son coucher. Cela signifie que du mauvais temps se prépare, pour ce soir même peut-être. Nous ferons bien de piquer des deux pour être de bonne heure auprès des nôtres. » Les quatre hommes avaient déjà repris leurs chevaux qu'ils avaient chassés dans le bois pendant l'attaque des Indiens. Ils firent cercle autour de leur chef et ami et crièrent joyeusement « Vive Buffalo Bill, en route pour Robbie Creek, pour la maison !»